tes timos inspirés d'un fait réel. Fait divers arrivé dans la rielle. Si t'es en deuil, pleure ces jeunes disparus. Nous voir à pisote au paradis, zot les montées. Zot la ferme le yeux ouvert pour bondier. Zot la pas demandé, aller avant l'air. Pour que ça l'arrivait, pour que un tel malheur traumatisé nous sera à jamais. Râler, pousser, passer dans la cité. Gars, pratique assassiné, inhumé à la fleur de l'âge. Courage, courage, faut pas baisser la tête. Courage, courage, faut donner d'autres familles. Dédicace à plus d'autres comme un fond de guerre. Et viens au plus profond de nous de guerre. La flamme la éteint sous des coups de fusil. Plus jamais il sera allumé. L'avenir t'épousote, mais la mort l'a cassé. Bon Dieu, la rappelle azote. Auprès de lui, pour garder la vie. Auprès de lui, pour garder la vie. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. À jamais gravé dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. À jamais entré dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Encore une vie perdue sans équivoque, une année déchue. Aucun attribut me s'est passé dans une rue. Arrachant un enfant à ses parents qui l'aimait tant. C'est révoltant de voir ce non-respect envers des innocents. C'est vrai peut-être qu'il n'était pas très belle jeune ange. C'est vrai peut-être, mais excusez-moi si ça vous dérange. Il était à 16 ans perdu un jeune dealer. Mais ne traitant pas avec n'importe quel jeune dealer. Que là où on trépas, il n'a pas de faux pas. Enfant ou parent, la mort ne pardonne pas. Elle ne choisit pas ses apprentis, elle arrive comme ça. Mais pour le faire le paradis, pour eux c'est de nouveaux bras. Mon cœur est rempli de haine et beaucoup de chagrin. Quand je vois un jeune de mon quartier qui se fait lâchement buter. Sa vie s'est éteinte avec ce des bons destins. Maintenant je prie pour lui qu'il ne soit jamais oublié. Car bien que cela fera partie de notre passé, il ne faut pas effacer que tout le monde peut faire un faux pas. C'est que nul ne doit le payer de sa vie, mais se racheter en aidant autrui. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. A jamais gravé dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. A jamais entré dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Enfance terminée, il attaque l'adolescence. Le petit négro grandit et veut être dans l'aisance. Fini le temps d'avoir sous son dos sa mère et son père. De l'air, le petit frère veut faire tout ce que font les grands frères. Sortir le soir est devenu obligatoire. Business, meuf, keuf, c'est toujours la même histoire. Mais ça n'empêche qu'il gardait quand même l'espoir. L'espoir à l'avenir, imagé dans son miroir. Hélas brisé, le miroir n'est plus. Quand dans la ruelle des mecs on tirait sur lui pour une histoire banale. Ils lui ont coupé sa vie, expédié à l'hosto le reste de ses amis. Aujourd'hui c'est triste car la cité est veuve. C'est facile de tirer, difficile d'inverser un fleuve. Pour tous ceux qui pensent que la vie est une rivière tranquille, ne connaissent pas les faits qui se déroulent dans ma ville. Je balance cette prière même si je sais que ça ne les ramènera pas sur terre. Ça les ramènera pas sur terre. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. A jamais gravé dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Une prière pour nos frères qui ont quitté cette terre. A jamais entré dans nos pensées. Ton souvenir ne sera jamais effacé. Pour nos frères, j'entends à la somme ou à mer. Un bon osé à bon, les gravés dans mon cœur. Un petit pensée sincère pour tout notre bande, allons la quitte la terre. Une une prière pour vous mes frères, vous qui avez quitté cette terre.